je n'épouserai pas le fils de votre voisin. Si son père ne sait plus quoi en faire, qu'il en fasse un pharmacien. Il pourra se faire comme son père des pommades pour presque rien, qui feront le plus grand des grands biens au bouton qui l'a sur le terrain. Non, mon père, je n'épouserai pas le fils de votre voisin. Si son père ne sait plus quoi en faire, qu'il en fasse un marchand de biens. Il pourra se faire comme son père de l'argent pour presque rien. Dans l'immobilière, on a besoin de gens qui ne pensent à rien, de rien. Non, mon père, je n'épouserai pas le fils de votre voisin. Si son père ne sait plus quoi en faire, qu'il en fasse un sacristain. Il pourra se faire comme son père, dire des messes pour presque rien. Il en faut tant pour sauver son âme qui bâtit son chien, battra sa femme. Non, mon père, je n'épouserai pas le fils de votre voisin. Si son père ne sait plus quoi en faire, qu'il en fasse un bon à rien. Il pourra se faire comme vous, mon père, faire des filles pour presque rien. Qu'il pourra troquer à ses voisins contre un âne et quelques sacs d'or. Non, mon père, je n'épouserai pas d'autre homme que mon marin. Si la mère ne sait plus quoi en faire, qu'il repose